En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missisquoi, au numéro de téléphone 88-276-9383 ou le remorque2000.com. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Ici Normand Lafrenière, gérant des ambassadeurs de Chibougamau. À mon nom personnel et du bureau de direction des ambassadeurs de Chibougamau, il me fait plaisir de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous nos partisans. Paix, bonheur, santé et prospérité, ce sont les vœux des ambassadeurs de Chibougamau de la Ligue de hockey midget régionale. Maintenant, la chronique des Marquis de Jonquière, c'est la revue de l'année des Marquis avec notre ami, le descripteur des matchs des Marquis. On va également parler des Voyageurs de Ville-Saguenay, parce que ça a été une belle année avec Dominique Bauduc. Salut Dominique! Dominique, si on parlait d'abord de l'année de 2015 chez les Marquis de Jonquière, quelle sorte d'année que ça a été? Ça a été une année de changement. Si on retourne à la fin de la saison 2014-2015, les Marquis qui avaient terminé au deuxième rang en saison régulière avaient débuté les séries contre les Prédateurs de Laval qui avaient remporté facilement 4 matchs. Par la suite, ils ont affronté la formation de Ted Fermines qui, avec un gardien Gabriel Girard qui était très solide, les Marquis qui ont été surpris ont éliminé en 5 matchs. Les Marquis qui tentaient d'aller chercher une troisième coupe de suite dans la Ligue nord-américaine. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et là, ça a été les changements. Changement d'entraîneur, de directeur général, Dominique Tsakos, qui a quitté après 4 saisons, 4 belles saisons à Jonquière, faut dire. Il a vraiment apporté une équipe gagnante à Jonquière. L'arrivée de Claude Bouchard et de Bob Desjardins en tant que coach, assistant coach, Marc Boivin qui est allé directeur général de l'équipe. Beaucoup de changements également du côté des joueurs. L'arrivée de François Fortier, Benoît Graton, entre autres, le départ de Pierre-Olivier Pelletier, de Simon Laliberté, ouais. Dominique Léveillé, qui sont partis. Mais l'arrivée de Loïc Lacasse, il y a eu d'autres jeunes joueurs qui se sont greffés à l'organisation. Donc, cette année, pour la saison 2015-2016, c'était, moi j'ai toujours dit, une saison de progression. L'équipe allait progresser à chaque semaine, étant donné qu'ils pratiquaient pas beaucoup. Mais sérieusement, moi, j'ai trouvé que la progression s'est faite plus vite que je pensais, puisqu'en ce moment, à la mi-saison, les Marquis sont en première position au classement général avec, je pense, 31 points. Donc, ils vont vraiment très bien depuis le début de la saison. Alors, c'est bonne augure pour le reste de la saison. Il fallait pas se surprendre de voir Dekadé Nikidzakos quitte son poste, hein? Question de contrat, probablement, hein? Ben oui, non. Je pensais vraiment qu'il allait avoir une entente avec les Marquis, mais bon, faut croire qu'il était rendu à la croisée des chemins. Alors, il n'était pas de retour. Question de contrat, question de changement également. On ne saura pas trop, mais finalement, du côté de l'organisation, je pense que c'était du grand changement. Et pour l'instant, on voit que le changement rapporte des fruits parce que l'équipe est toujours en tête. Si on parlait maintenant du côté de Francis Charrette qui a quitté. Francis Charrette qui était quand même un joueur important dans le cadre des Marquis de Jonquière, lui a été échangé vers la fin de l'année. Oui, exactement. Cette année, Francis Charrette ne voulait plus jouer pour les Marquis de Jonquière après 6 saisons complètes. Il voulait se rapprocher de chez lui. C'est compréhensible des personnes qui vivent dans le coin de Montréal. Des fois, la distance est plus difficile. Donc, il avait demandé à être échangé. Ça a été difficile parce que, bon, selon ses demandes, il ne voulait pas aller jouer n'importe où et les Marquis ne voulaient pas recevoir n'importe quoi non plus en retour parce que, faut quand même dire que Francis Charrette a une très bonne valeur sur sur le marché. Donc, à un moment donné, il y a une porte qui s'est ouverte du côté de Saint-Georges puisque Jérémy Vigneault-Bélanger pouvait être disponible. C'est un gars de Jonquière. Donc, lorsqu'ils ont réussi à avoir un accord, la transaction contre Francis Charrette et Jérémy Vigneault-Bélanger, ça s'est fait. On n'a pas le choix de remercier Charrette pour tout ce qu'il a donné durant les 6 saisons qu'il était à Jonquière. Mais maintenant, on va souhaiter la meilleure des chances ailleurs. Puis c'est vraiment un changement du côté des Marquis. On sait qu'on a vu que tous les joueurs sont remplaçables. On a vu Dominique Réveillé partir, Benoît Graton qui a pris sa place vraiment de belle façon, François Fontier qui s'est ajouté. Il y en a rien d'autre qui vont malheureusement être toujours sur la liste des Marquis, mais joue du côté de l'Europe et c'est un joueur qui, si jamais il revient, il va pouvoir amener de gros services à l'équipe. Donc, t'es quand même positif pour la deuxième moitié de saison? Absolument, absolument. Ouais. Je pense que la première partie de la saison m'a vraiment surpris. Moi, je m'attendais à une lutte vraiment pour le quatuor de tête. Je m'attendais pas à ce que les Marquis soient vraiment en tête. Présentement, ils ont 3 points d'avance. À un moment donné, ils ont eu 7 points d'avance. Ça, c'était vraiment une surprise. Bouchard a instauré un système de jeu qui a été adopté vraiment par toute l'équipe. Le désavantage numérique qui est vraiment incroyable. Le jeu défensif de l'équipe. Écoute, on regarde le nombre de buts qu'ils ont accordé depuis le début de l'année. C'est vraiment quelque chose. Moins de 3 par match. C'est très rare qu'on voit ça dans la Ligue nationale. OK. Si tu peux, on va faire une pause parce qu'il y a beaucoup de publicité à Télé Fêtes et on revient dans quelques instants. Je veux te parler des voyageurs de Ville-Saguenay également puisque c'était une superbe année chez les voyageurs. Donc, vous êtes à l'écoute de la rétrospective des Marquis des voyageurs sur les ondes de danradiosport.com. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Pendant le temps des fêtes, il y a des traditions qui unissent les gens autour de valeurs comme le partage avec nos proches de moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Les membres du conseil de la MRC et son personnel se joignent à moi pour vous transmettre nos vœux de bonheur, de paix et de santé. Que la nouvelle année soit pour vous synonyme de succès et d'excellence. Le temps des fêtes est souvent synonyme de réjouissance et de rapprochement. Monsieur Régent et Philippe Lavoie, propriétaires des pharmacies Jean Coutu, vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Et vous assurent la même qualité de service pour la prochaine année. Amusez-vous et soyez prudents pendant ces moments de fraternité. Ce sont les vœux des propriétaires de Jean Coutu, M. Régent et Philippe Lavoie. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion de la période des fêtes. Je tiens ici à remercier la population de leur générosité démontrée une fois de plus à l'occasion de la grande guignolée des médias. Je suis fier de la solidarité dont fait preuve notre milieu, particulièrement pour nos plus démunis. Ayons pour eux aujourd'hui une pensée toute spéciale. À vous et à toutes les personnes qui vous sont chères, un joyeux Noël et une bonne année 2016. On est de retour avec Dominique Bolduc, la voix des Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey, des voyageurs de Ville-Saguenay également. Dominique, ça a été une superbe année pour les voyageurs. Ça faisait longtemps que Robert Fatal travaillait avec le sport-études et également du baseball. Puis là, ça a commencé à porter fruit cette année. Oui, exactement. Ça a porté fruit parce que ça faisait quand même 8 ans que l'équipe était en reconstruction. Cette année, on avait de grosses attentes en saison régulière, mais pour l'instant, malheureusement, il y a eu beaucoup de blessés et la saison a été quand même difficile. Mais par la suite, On a dû les séries qui ont vraiment fait arriver au bon moment. Tous les joueurs sont arrivés de blessures. Il y avait des équipes vraiment à 100%. Et lorsqu'on s'est arrivé en série, c'était vraiment une surprise parce que bon, les voyageurs ont eu une saison décevante, là, on peut dire, un peu en bas de 500, on attendait un petit peu mieux, mais bon, les blessures ont fait en sorte qu'ils ont fini un peu plus bas. Par la suite, lorsque les séries ont commencé, élimination en 3 matchs contre les Guerriers de Granby. Et là, c'était vraiment la grosse surprise contre la formation de Saint-Eustache qui avait terminé 2e en saison régulière. Élimination en 6 rencontres. Et là, c'est là qu'on a vu que la fièvre du baseball avait prenait naissance du côté de Jonquière. Beaucoup de monde dans les estrades. On a eu des foules de 1900, même 2000 spectateurs, des choses qu'on n'avait pas vues depuis au moins 20 ans. Donc, on avait quelque chose, on avait quand même de bonnes attentes. Et finalement, le beau parcours s'est terminé en demi-finale avec une élimination en 5 matchs contre la formation de Trois-Rivières qui avait terminé au sommet du classement général. Donc oui, une belle saison pour les voyageurs, mais là aussi une saison qui l'entre-saison qui va faire des gros changements puisque le départ de Robert Fadal qui a annoncé qu'il s'en allait avec l'ABC du baseball canadien et la venue de Martin Pouliot qui je pense était le meilleur choix pour remplacer Robert Fadal. C'était quelqu'un qui connaissait la ligue, qui connaissait le baseball et Martin Pouliot a eu beaucoup de succès dans les dernières années dans la ligue de junior élite du Québec. Alors ça va être quelque chose de très intéressant pour l'année. Comment t'entrevois ça? 2000 personnes, oui, c'est vrai que les voyageurs étaient en demi-finale, mais il y a un buzz, depuis quelques années, il y a un buzz du retour du baseball. On voit que le baseball revient en force, beaucoup plus populaire. Il y avait des Blue Jays, cette année, qui ont fait triper les Québécois, qui l'ont cru. Est-ce que tu penses que c'est tous ces facteurs-là, la victoire, le fait que le baseball revient en force, qu'il y a eu 2000 personnes au stade Richard Desmoulins? Ben, c'est sûr, quand il y a une équipe qui gagne, c'est sûr que ça attire du monde. C'est pareil pour les Marquis, c'est pareil pour les Sacs, c'est pareil pour les voyageurs quand l'équipe gagne. Et en plus, en série, quand l'équipe gagne, ça attire des gens. Cette année, oui, il y avait des Blue Jays. C'est sûr que ça a aidé. Mais je pense que c'est tous ces ingrédients-là qui ont fait en sorte qu'on a réussi à mettre 2000 personnes dans le stade cette année. L'année prochaine, je pense que si les voyageurs débutent bien leur saison, ils pourraient avoir un petit peu plus de monde durant les matchs réguliers parce que, bon, sans saison, la moyenne était autour de 250-300 spectateurs. Mais si on peut mettre 500-600 spectateurs, ça serait bien. Et pour les séries, revenir avec des foules de 1500, 1800, 2000 spectateurs, ça serait une année parfaite pour les voyageurs. Ça ressemble à quoi l'équipe cette année? Est-ce que ça va être une équipe encore compétitive? Ça va être une équipe intéressante encore, de ce que tu peux voir? Oui, je m'attends à une équipe très compétitive. Il n'y a pas eu vraiment de pertes. Alexandre Morinville, Vincent Neuil, qui ont terminé leur stage, ils étaient âgés de 22 ans. Donc, la perte seulement de 2 joueurs. Beaucoup de jeunes qui montent tranquillement. Beaucoup de joueurs de la région. Faut pas oublier que Robert Fatal a installé un système de sport-études du baseball qui fonctionne bien. Le Bantam, le midget qui commence à garnir de très bons joueurs régionaux. Donc, je pense que c'est de bon augure. Oui, on va avoir une équipe très compétitive, mais oui, il va y avoir un changement de mentalité en raison du changement de remplaçant. Mais je pense que Martin Pouliot va être capable de mettre l'équipe à sa main assez rapidement. Puis, je pense qu'il ne laissera pas de joueurs. Il n'y aura pas de passe-droit, là, avec Martin Pouliot derrière. Dominique Bolduc, un gros merci. Au plaisir de se reparler en 2016. Tout début de 2016 avec les Marquis de Jonquière. Voilà la voix des voyageurs de Ville-Saguenay, des Marquis de Jonquière, Dominique Bolduc.